C'est Faki sur le son, pas question de baisser le son, non. Certains arrivés s'en vont, d'autres essaient mais tournent en rond. Aveuglé par l'inspiration, je me sens partir le volume à fond. Mais il paraît que merde, tu ne connais même pas mon nom. Pas besoin de présentation, je ne suis qu'un être, pas moins con. Je fais passer des sensations, même si rien dans tout ça n'est bon. Nous devons nous laisser aller, ouais, ne plus se poser de questions. Et avancer sans arrêt, sans même connaître la pression. L'adrénaline commence à monter, son niveau est si haut. Tant que mon souffle ne sera pas coupé, je prendrai le micro. Même si de ce que je fais, les gens s'en moquent et rient trop. Tu vois ce que je veux dire? Viens sur la scène sortir tes crocs. Ne me compare pas à ses crocs, chacun dans le rap a ses mots. Je n'essaie pas d'en faire trop, seulement de ne pas être faux. Chacun dans sa catégorie voudrait devenir pro. Moi je continuerai tant que devant moi il n'y aura pas de rideau. Tu ne connais pas mon nom, c'est Faki Show. Tu m'as répondu non, c'est Faki Ho. Tu ne connais pas mon nom, c'est Faki Show. Tu m'as répondu non, c'est Faki Ho. Tant que mes jambes ne me lâcheront pas, je resterai debout. Tant que les lumières ne s'éteignent pas, je regarderai partout. Tant que mon souffle ne se coupe pas, je parlerai toujours. Tant que le temps ne s'arrête pas, je demanderai l'amour. Pourquoi se poser des questions? Notre vie est trop courte, non? Pas le temps de réfléchir malgré que ce soit vraiment important. Et pourtant, je vois ma vie se consumer au fil des années. En attendant, j'aimerais vous parler de cette réalité instantanée. Je me présente, je ne m'appelle pas Henri mais Faki. Je ne voudrais pas devenir président ni même vous dévoiler ma vie. Sans souci, je suis simplement qui je suis. Vous pensiez que Faki était Anthony, mais c'est Anthony qui a fait Faki. Tu ne connais pas mon nom, c'est Faki Show. Tu m'as répondu non, c'est Faki Ho. Tu ne connais pas mon nom, c'est Faki Show. Tu m'as répondu non, c'est Faki Ho. Tu ne connais pas mon nom, c'est Faki Show. Tu m'as répondu non, c'est Faki Ho. Tu ne connais pas mon nom, c'est Faki Show. Tu m'as répondu non, c'est Faki Ho.